l'abondance ou dans la disette. La joie du Seigneur est ma force. Quand le quotidien m'oppresse, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie. La joie du Seigneur est ma force. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis. Il est mon soutien. La joie du Seigneur est ma force. Dans la tristesse, il est mon réconfort.